Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là, bien sûr. À chaque semaine, à vous offrir comme ça la richesse et la diversité et vraiment le produit génial de la francophonie musicale canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Lenny Galant et Patricia Richard, Joanie Benoit. L'album de la semaine, c'est l'album 15 ans de Accro de la chanson en Acadie. On en va entendre aussi du Garoulou, du Jeannie René, Marie-Claude, j'ai Samantha Robichaud, Louise Vautour, entre autres, en instrumental. Et du côté de l'Ouest canadien, j'ai pour vous du Polyester, du Michel Marchildon et du Annette Campagne et bien d'autres. Restez là, je vous reviens avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour et bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes et je suis très content d'être là avec vous. Et bien sûr, en début d'émission, permettez-moi de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chiticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mais contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Envoyez-moi ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà! Eh bien, à l'heure que cette émission va être diffusée, un peu partout à travers le Canada, il y a bien sûr le Congrès mondial acadien qui va être commencé, qui va être en plein en action. Donc, je tiens à saluer tous les Acadiens et je vous souhaite un bon Congrès mondial acadien. On va commencer avec une chanson souvenir, bien sûr, pour célébrer les 25 ans de Canrock. On va y aller avec tout simplement « La gang arrive 17:55 ». Et je dédie ça à tous mes amis acadiens, bien sûr, qui vont célébrer un peu partout à l'île du Prince-Édouard et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, Moncton et tout ce coin-là. Donc, je vous souhaite un méchant beau congrès mondial acadien. Et cette chanson de 17:55, c'est pour vous « La gang arrive ». Emporte-nous à chef est ici. Le reste de la gang part en arrière avec leur dos, guitare et tuyère. Et dit t'as pas de choix. Ça sera un time comme tu vois. Tu barras pas à 11h30. Je plaine, on y passe la nuit. Levez les voiles, levez les yeux pour lire les étoiles. les ouragans. Le soleil qui me brûle sans pitié. J'accepterai toutes les tempêtes si ta voix m'accompagnait. Que j'entendais à la marée haute. Levez les voiles, levez les yeux pour lire les étoiles, la sirène et le matelot dans mon bateau. Levez les voiles, levez les yeux pour lire les étoiles, la sirène et le matelot. C'est quoi cette chanson-là? Eh bien, cette chanson-là, c'est du bonbon pour les oreilles. Ça s'appelle « Sirène et matelot ». Et c'est la pièce-titre d'un album qui vient d'être lancé grâce au Grenier Musique en Acadie. C'est Lenny Galland qui a écrit des chansons avec Patricia Richard et les deux nous offrent vraiment un album exceptionnel, très intéressant. J'ai écouté ça rapidement, j'ai eu une version digitale, j'attends ma version physique et écoutez, c'est vraiment bien fait. C'est du Lenny Galland à son meilleur, écoutez que dire. Et Patricia Richard qui a une voix vraiment magnifique, c'est vraiment très intéressant. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est tout simplement... Sirène et matelot. Je vous propose maintenant la complainte de l'océan. Et vous allez voir, la complainte de l'océan, c'est vraiment une autre bonne pièce, comme Lenny Galland peut l'écrire. Et vraiment, le duo marche très bien. C'est vraiment très intéressant tout au long de l'album. Allez faire un tour sur le Grenier Musique et allez mettre la main là-dessus. Sûrement sur Distribution Plage également, plage avec un S.net. Donc, pour vous procurer cet album-là, Sirène et matelot, on va écouter tout simplement La complainte de l'océan. Après quoi, on va écouter une chanson pour le 25e anniversaire du Congrès mondial acadien. Je nous vois revenir de Pierre Robichaud avec Roland Gauvin et aussi Lina Boudreau. Très belle chanson également. Mais pour l'instant, voici La complainte de l'océan. Quelle est cette chanson hantée qui arrive sous la marée, échouée sous la plage comme un naufrage du passé? Une voix si vieille comme un fantôme qui pleure d'être libérée. Est-ce que ça vient de mon cœur ou la tienne à mon côté? Chante la complainte de l'océan. Les voix des sirènes traversent le temps. Chante la complainte. Laisse-moi aller au fond des vagues pour écouter. Je me souviens d'une histoire de Dieu et de la mer. Partagez avec nous le trésor et le mystère. Un contrat

nous voir revenir. D'une trop longue absence, cueillir les fruits aux branches, refleurir pour jeunesse d'espérance. Serons ses enfants, refusant de vieillir, insoumis de tout temps, mutins sans repentir, affranchis, visionnaires, assoiffés d'inconnus, s'abreuvant de lumière à l'étoile. Désolé, j'ai oublié de vous dire que cette chanson-là est très possessive. On l'écoute et puis on est pris, on se laisse aller avec le rythme de la chanson. À chaque fois, moi, je l'écoute. Je peux pas l'écouter 30 secondes parce que si je l'écoute 5 secondes, je suis pris à l'écouter jusqu'au bout. C'est tellement bon. C'est du Pierre Robichaud à son meilleur. Ça s'appelle tout simplement « Je nous vois revenir » avec son bon ami Roland Gauvin et Lina Boudreau, qui a toujours une voix exceptionnelle, que dire. Vraiment très intéressant. Et cette chanson-là, Pierre l'a écrite pour le 25e anniversaire du premier congrès mondial acadien. On va y aller avec une dernière chanson, une nouveauté pour Joanie Benoît. Voici « C'est maintenant que je t'aime ». Maintenant que je t'aime, que ma peau tremble sous tes mains, à chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'amant, ne étrange ivresse des grands jours. À chaque fois je comprends que tu es ma vie, mon chemin. L'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. Ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, plus l'heure des promesses. Si on brûlait par tous les bouts toutes les chandelles qu'il nous reste, je n'ai plus le temps du rêve, juste le temps d'être bien. L'amour me prend.